السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. On se retrouve pour notre dernière intervention dans cette conférence organisée par nos frères bien-aimés du Merkez Al-Furqan. Et nous allons terminer donc cette conférence avec une intervention concernant certaines sectes égarées de l'islam. Al-Qutbiyya, Al-Sururiyya et Al-Haddadiyya. Qui sont-ils? Mais, mes frères, avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que j'ai traduit hier dans l'intervention sur les quatre règles en or de la prédication salafi. J'ai traduit une parole de Cheikh Ubaid al-Jabiri, Hafidhahullahu ta'ala, et un de nos bien-aimés frères prédicateurs m'a interpellé et m'a mentionné que cette parole, le Cheikh Ubaid al-Jabiri, était revenu dessus, et je l'ignorais. Et cette parole concerne, ou plutôt sa parole est la suivante: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَقِّ أَنَّهُ لَا حُبْ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ لِذَاتِهِ سِوَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخِرِ الْكَلَامِ. Lorsqu'il a dit, Cheikh Ubaid, et les gens de la vérité sont unanimes sur le fait que personne parmi les êtres humains ne peut être aimé pour lui-même excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Muhammad ibn Ghalib al-Umari, hafidhahullahu ta'ala, qui est un des élèves de Cheikh Ubaid al-Jabiri, a mentionné qu'il avait discuté avec Cheikh Ubaid sur le sujet et que Cheikh Ubaid était revenu sur cette parole et le fait que l'amour on ne peut aimer autre qu'Allah pour sa propre entité. D'accord? Et pour cela, il a mentionné la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah lorsqu'il dit: وَلَيْسَ شَيْءٌ شُرِعَ أَنْ يُحَبَّ لِذَاتِهِ إِلَّا اللَّهِ فَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا لِذَاتِهِ أَوْ عَظَّمَهُ لِذَاتِهِ غَيْرَ اللَّهِ فَذَاكَ شِرْكٌ بِهِ. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, mentionne: il n'y a rien pour lequel l'amour pour sa propre entité est légiféré, excepté pour Allah. Ainsi, celui qui aime autre qu'Allah pour son entité ou qui le glorifie, alors cela est considéré comme du shirk envers Allah. Donc, j'aimerais rectifier cette parole, ou plutôt le fait que Cheikh Ubaid al-Jabiri est revenu sur sa parole. Et ceci nous montre la grande noblesse et le degré de foi et de sincérité de la part de notre Cheikh Ubaid al-Jabiri, qui n'a pas hésité à revenir et à dire qu'il s'était trompé. Hafidhahullah ta'ala, et tels sont les imams de la sunna, les imams de la da'wah salafiyya. Donc je ferme cette parenthèse et nous commençons cette intervention. Nous avons étudié hier, mes frères, certains aspects fondamentaux de la prédication salafiyya. Et nous avons vu que la salafiyya, c'est l'islam. Et que les salafiyoun sont le groupe sauvé et le groupe victorieux. Afin de compléter le sujet, donc, nous allons aujourd'hui ensemble étudier brièvement, bien sûr, certains ennemis de la salafiyya. Et ceci en accord avec le célèbre hadith que vous connaissez tous de Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma, lorsqu'il mentionna: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. متفق عليه. Il mentionne, Hudhayfa ibn al-Yaman, que les gens avait l'habitude d'interroger le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien, Et moi, je l'interrogeais concernant le mal, de peur qu'il m'atteigne, comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Nous allons donc présenter, mes frères, brièvement, aujourd'hui, trois groupes égarés, en mentionnant leurs fondateurs et les fondements ou certains fondements de leur voie égarée. Et cette présentation, bien sûr, sera basée sur la parole des grands savants de la salafiyya de notre époque, qui nous ont, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, avertis et mis en garde contre le poison de ces égarés égareurs. Bien sûr, le sujet est très vaste et le temps ne nous permet pas de détailler. Mais l'objectif aujourd'hui est que chacun de vous puisse comprendre ces terminologies ainsi que la nature des égarements de ces groupes partisans. Dans le but, bien sûr, d'en s'en préserver, comme l'a souligné Hudhayfa dans le hadith, et de ne pas tomber dans leur filet. Celui qui désire plus de détails les concernant, alors qu'il retourne aux mises en garde de nos savants salafiyines, ou dans les cours de nos prédicateurs bien-aimés, nos prédicateurs francophones de la da'wah salafiyya, ou alors, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, nous développerons le sujet dans une future série, incha'Allah ta'ala. Avant de commencer cette présentation, mes frères, il est important de comprendre qu'Al-Qutbiyya wa Sururiyya découle de la doctrine et de la pensée de la secte que vous connaissez tous, qu'on appelle Ikhwan al-Muslimin, hein, les frères musulmans. Ainsi, il est primordial, avant d'exposer ces groupes, de présenter rapidement qui sont Al-Ikhwan al-Muslimin. Cheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, mentionne à leur sujet موقف أهل السنة والجماعة من الإخوان المسلمين أنهم يحكمون على منهجهم بأنه منهج مبتدع وعلى أفرادهم بأنه من كان يعلم بالمنهج ويلتزم به فإنه مبتدع ومن كان لا يعلم المنهج وهو يظن أنه ينصر الإسلام والمسلمين فيعتبر مخطئا. ينودي الشيخ مقبل Rahimahullah ta'ala, la position des adeptes de la sunna et du groupe concernant les frères musulmans est qu'ils jugent leur méthodologie comme étant une méthodologie innovée. Quant à leur individualité, celui qui est connaisseur de leur méthodologie et qui s'y accroche, alors il est considéré comme innovateur. Alors que celui qui ne connaît pas leur méthodologie et qui pense qu'il secourt l'islam et les musulmans, il est considéré lui comme fautif. Wa aslu da'wati al-ikhwan al-muslimin da'watun quburiyya kama dhakara mu'allif hiwarun hadi ma ikhwani wa hiya risalatun qayyimah faqad dhakara anna Hasan al-Banna mu'assis al-ikhwan kana yatufu bil qubur wa kana yahduru al-mawalid wa dhakara ghayruhu bi anna Hasan al-Banna kana yahummuhu an yajma'a an-nas ويجمع بين المتناقلات يقول في بعض رسائله دعوتنا سلفية صوفية وكيف يتأتى هذا والصوفية يمنعن عن السلفية. Il continue Cheikh Muqbil رحمه الله تعالى, il nous dit le fondement de la prédication des frères musulmans est une prédication appelant à l'adoration des tombes. Comme l'auteur du livre qui s'appelle Hiwal Hadi Ma Ikhwani, qui est un bon livre, nous dit le Shir, sur les Ikhwan, il mentionne que Hasan al-Banna, le fondateur des Ikhwan, avait l'habitude de tourner autour des tombes. Il assistait aux différents anniversaires fêtés pour les morts. Et d'autres mentionnèrent également que Hasan al-Banna avait pour préoccupation de réunir les gens. Il réunissait ceux qui étaient opposés. Il mentionne ainsi dans certains de ses écrits, Notre prêche est salafi soufi. Comment cela peut se produire, nous dit le Shir, alors que le soufisme est à l'opposé de la salafiyya. Fada'watul ikhwan al-muslimin tu'tabal nakbatan ala da'awat li'anna akbar a'da'iha hum ahlus sunnah. Fahum yatahalafuna ma'a shuyu'i wal-ba'fi wal-nasiri wal-almani والرافض ولكن لا يمكن أن يتعاونوا مع السنة فهو خطير. Ainsi, nous dit le Shir, le prêche des frères musulmans est considéré comme une calamité, car leurs plus grands ennemis sont les adeptes de la sunna. Le plus grand ennemi des Ikhwan, c'est les gens de la sunna. Ainsi, ils s'allient avec le communiste, ils s'allient avec le bassiste. Hein, le bassiste désigne l'idéologie politique de la mouvance politique nationaliste arabe connue comme Baas, hein, le parti socialiste de la résurrection arabe. Avec, il s'unit également, il s'allie également avec le laïc, avec le rafidi, le chiite. Hein? Cependant, il ne peut pas collaborer avec le sunni. Allahu al-musta'an. Donc ça, c'est une brève présentation, mes frères, de al-Ikhwan al-Muslimin. Et bien sûr, si on parlait d'al-Ikhwan, il en aurait besoin d'une série de cours, et non seulement d'un seul cours. Et revenez au cours que nos frères prédicateurs francophones salafis ont fait sur le sujet. Donc nous continuons cette présentation en exposant en premier la secte appelée Al-Qutbiyya. Al-Allama Ahmed ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala, mentionne dans une de ses compilations de ses fatawa, Al-Fatawa al-Jaliyya an As'ilat al-Manahij al-Da'wiyya, il nous dit « Hum qawmun qara'u mu'allafati Sayyid Qutb » وأخذوا ما فيها من حق وباطل فتجدهم يدافعون عن سيد إذا انتقده أحد ولو كان الحق مع المنتقد ومعلوم أن السيد قطب ليس من رجال العلم الديني والأصل أنه أديب ثم هو يأخذ بالمذهب الأشعري مذهب التأويل كغيره من علماء مصر وعنده أخطاء فاحشة وفادحة قد تصد لها رجال من أهل العلم فبينوها. Donc Al-Qutbiyya, nous dit Cheikh Najmi, rahimahullah, ils sont des gens qui ont lu les écrits de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb est né, mes frères, en 1906, dans le sud de l'Égypte. Et il a été exécuté en 1966 au Caire. Et il était un militant parmi les membres des frères musulmans. Et il avait de nombreuses erreurs dans la croyance. Et on va le voir après dans le reste de l'exposé, on verra ces erreurs dans la croyance. Donc, ces gens-là, Al-Qutbiyya, ils ont pris dans ses écrits ce qui est vrai et ce qui est faux. Et tu les vois donc défendre Sayyid Qutb contre toute personne qui le critique, même si la vérité est avec celui qui critique. Et il est connu que Sayyid Qutb ne fait pas partie des hommes de science religieuse. Il est à la base un écrivain. Il est également sur la voie des Ash'ari, hein, la voie de l'interprétation dans les attributs d'Allah. Il est également sur la voie, tout comme étaient les savants de l'Égypte à l'époque. Il a de nombreuses erreurs graves. Et certes, les hommes de science se sont opposés à ces erreurs et ils les ont clarifiées. وَلَمَّا بَيَّنُوهَا ثَارَتْ عَلَيْهِمْ ثَائِلَةُ الْقُدْبِيِّينَ بِالنَّقْتِ والكلام والتجريح فيهم فحسبنا الله ونعم الوكيل فالأصل أن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال فيجب علينا أن نأخذ بالحق وأن ندين به لله رب العالمين وأن نترك كل من نهج منهجا مبتدعا ونجعل أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه وأصحابه والتابعين لهم من أئمة الهدى والله الموفق. Et lorsqu'ils ont clarifié donc ces savants, lorsqu'ils ont clarifié les erreurs de Sayyid Qutb, la rage des Qutbiyyins s'enflamma contre les savants par la critique, par la parole, par la réfutation. Et Allah nous suffit, il est le seul garant. Et la base est que les hommes sont reconnus par la vérité, et non pas la vérité est reconnue par les hommes. Et cette règle, on l'a expliqué hier, mes frères, rappelez-vous. Hein, regardez, l'ulema, as-salafiyoun, ils sont tous sur les mêmes fondements, sur les mêmes règles. Il nous incombe donc de prendre la vérité, et qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, avec celle-ci. On doit également délaisser tous ceux qui manifestent une méthodologie innovée et qu'on fasse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses califes et ses compagnons et ceux qui suivirent parmi les imams de la guidée nos modèles. Et Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, mentionne également dans un autre livre, Al-Mawrid Al-Azb, الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال إنودي شيخ ومن ولائد الإخوانية السرورية والقطبيين وهما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانية إنودي شيخ نجمي رحمه الله تعالى parmi les nouveaux nés des frères musulmans il y a السرورية qu'on va voir tout de suite après et القطبيين hein ils sont deux groupes ou deux parties qui se sont dissociés des frères musulmans. أما القطبيون فهم قوم درسوا كتب سيد قطب وتابعوه في كل ما قاله واعتقدوه بل وعظموه كل التعظيم مما جعلهم يتخذون كل ما قاله في كتبه حقا وصوابا وإن خالف الأدلة وباين منهج السلف ويتدع ذلك من الثورة الكلامية والإشاعات الإعلامية التي أشاعوها ضد الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حين رد على سيد قطب في بعض الأخطاء الاعتقادية الفظيعة وجعلوها متجنيان عليه وظالما له. Quant aux قطبيون, ils sont des gens, nous dit Cheikh Najmi, qui ont étudié les livres de Sayyid Qutb. Et ils l'ont suivi dans tout ce qu'il a dit. Et ils l'ont glorifié avec toutes les glorifications à tel point qu'ils ont pris tout ce qu'il dit dans ses livres comme étant la vérité et la bonne position. Même si cela contredit les preuves. Il a contredit la méthodologie des salafs. Et cela s'est manifesté avec les insurrections orales et la diffusion d'informations contre Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, lorsqu'il a réfuté Sayyid Qutb et ses erreurs flagrantes dans le dogme, dans la croyance. Ils ont rendu Cheikh Rabi' comme un oppresseur de Sayyid Qutb. وَلَمْ يَحْمِلْهُمْ الْإِنْصَافُ أَنْ يَعُودُوا إِلَى تِلْكَ الْأَمَاكِنِ وَالْأَرْقَامِ الَّتِي أَشَارَ رَبِيعُ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهَا كَالنَّيْلِ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَحَامُلِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِسْقَاطِ خِلَافَتِهِ مِنْ بَيْنِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَجَعَلَهَا فَجْوَةً بَيْنَهَا وَنَيْلِهِ مِنْ بَاقِي الصَّحَابَةِ وجهله بتوحيد الألوهية وسلوكه مذهب الأشاعرة في تأويل الصفات وتمييعه لكثير من المسائل العقدية وغير ذلك فالله المستعان. Et la raison ne les a pas incités à revenir aux endroits et aux références qu'a indiqué Cheikh Rabi' dans son livre. En effet, Cheikh Rabi' a écrit beaucoup et a réfuté avec preuve, avec intelligence et avec science, Sayyid Qutb. Mais la raison ne les a pas fait revenir à ces réfutations. Et ils auraient vu les insultes contre le prophète d'Allah Moussa de la part de Sayyid Qutb. L'injustice contre Uthman ibn Affan et le fait qu'il ne méritait pas le califat. Et il a rendu son califat comme un espace vide entre les califats des califes bien guidés. Ainsi que ses insultes contre le reste des compagnons, son ignorance du tawhid d'adoration et le fait qu'il a pris la voie des Asha'ira dans l'interprétation des attributs d'Allah et son laxisme dans beaucoup de sujets liés au dogme et autres que cela parmi ses erreurs. Donc ça, c'est la fin de la parole de Cheikh Najmi qui nous expose qui sont Al-Qutbiya et leur fondateur Sayyid Qutb. Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala Al-Allama والدنا دي dans son livre مآخذ منهجية على الشيخ صفر الحواري إنه دي مع أن الإخوان والقطبيين قد جعلوا سيد قطب وقياداتهم فوق مستوى النقد لا سيما سيد قطب فلا يعدون ضلالاتهم من الباطل ولا يفسحون المجال لمن ينتقدهم وبينوا ضلالهم بل يحاربون من يقوم بإنكار هذه المنكرات العقدية والمنهجية. Il nous dit Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى les Ikhwan et les Qutbiyun ont mis Sayyid Qutb et leurs dirigeants au-dessus de la critique. Ils sont incritiquables. Et surtout Sayyid Qutb. Ainsi, ils ne considèrent pas leur égarement comme du faux. Ils ne permettent pas qu'on les critique et qu'on clarifie leur égarement. mais plutôt ils combattent tous ceux qui réfutent ces erreurs dans le dogme et dans la méthodologie. Ainsi sont mes frères al-Qutbiyyun, et ceux qui veulent plus de détails, qu'ils reviennent donc aux paroles de nos mashayikh salafiyoun. Ensuite, al-Sururiyya. Al-Sururiyya, al-Allama Ahmed ibn Yahya al-Najmi mentionne al-Sururiyya qawmun ou hizbun ينتمون إلى محمد سرور زين العابدين وهم عندهم شيء من السنة وشيء من البدعة. Il nous dit, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, As-Sururiyya sont des gens ou un parti associé à qui? À Mohamed Surur, hein, Zain al-Abidin, hein, cet homme syrien qui est né en 1938 et qui est mort en 2016. Ils ont en eux certaines choses de la sunna. Et c'est ça qui est dangereux. Ils ont certaines choses de la sunna et certaines choses de l'innovation. Et donc, les principales remarques contre eux sont premièrement أنهم يقدحون في الولاة ويتكلمون فيهم بما ينتج عنه شر وفتنة وخطورة وظاهر أنهم يكفرون الولاة لكن هذا إنما هو مأخوذ من لسان حالهم ولم يؤخذ من لسان مقالهم لأن الطريقة التي سلكوها هي طريقة الخوارج أو قريبة منها. Premièrement, donc, parmi les remarques qu'on peut faire sur eux, ils dénigrent les gouverneurs. Ils parlent sur eux avec des paroles qui entraînent un mal, des troubles et des situations graves. Et il apparaît qu'ils rendent mécréants les gouverneurs. Cependant, cela est déduit de leur situation et non prise de leurs paroles directement. Car la voie qu'ils ont prise est la voie des khawarij ou ceux qui s'en approchent. Ilman bi anna an-nusus tujibu as-sam'a wat-ta'a li wulat al-amr wa wulatuna fi hadha al-balad muslimun wa lillahi al-hamd yuhakkimuna shar'a Allah fi mahakimihim wa yuqimuna al-hudud fatakfiruhum aw al-kalamu fihim alladhi yujibu al-khuruj 'alayhim ويجب التمرد عليهم يعد إفسادا عظيما لذلك فإنه ينبغي الحظ من أصحاب هذا المنهج أو تبر منهم لا سيما وهم قد تناولوا علماء هذا البلد بالسب والشتم والمقذع واتهامهم بالخيانة للدين وهذا أمر يدل على ما وراءه. Tout en sachant, nous dit le Shir, que les textes rendent obligatoire l'écoute et l'obéissance aux gouverneurs. Et les gouverneurs dans ce pays, en Arabie Saoudite, sont musulmans et toutes les louanges sont à Allah. Ils jugent avec la législation d'Allah dans leurs tribunaux. Ils appliquent les sentences légiférées. Ainsi, le fait de les rendre mécréants ou de parler sur eux, ce qui entraînera la rébellion et l'insurrection contre eux, cela est donc considéré comme une grande corruption. Voilà pourquoi il incombe de mettre en garde contre les adeptes de cette méthodologie et de se désavouer d'eux, surtout que ces gens ont critiqué les savants de ce pays avec les insultes, le dénigrement et des paroles grossières, et ils les ont accusés de trahir la religion, et tout cela indique ce qui se cache derrière eux. Thaniyan, أنهم يدعون إلى الجهاد وليس مرادهم جهاد الكفار ولكن الظاهر أن مرادهم ضد الدولة علما بأن لا نبرئ الدولة من الخطأ ولا ندعي لها العصمة ولكن نقول تجب طاعتهم ومناصحتهم بطريقة سرية لأنهم مسلمون والشارع قد منع الخروج على الولاء. Deuxièmement, nous dit le Shir, parmi les remarques qu'on peut faire sur As-Sururiyya, ils appellent au djihad. Et il apparaît que leur but est le djihad contre l'État, yani l'État saoudien. Tout en sachant que nous n'innocentons pas l'État de l'erreur. Et nous ne prétendons pas qu'il est infaillible. Cependant, nous disons qu'il est obligatoire de leur obéir et de les conseiller de manière privée, car ils sont musulmans. Et le législateur a certes interdit la rébellion contre le gouverneur. ثالثا أنهم يزعمون أن العلماء في هذا البلد لا يفقهون الواقع ويرد عليهم بأن المفتين والقضاء لم يفتوا في مسألة واحدة ولم يحكموا في مسألة أيضا إلا بعد أن يعرفوا واقعها الذي يحيط بها من سبب ومناط للحكم ومؤثرات فيه ومن يزعم أن هؤلاء العلماء وهؤلاء القضاء لا يفقهون الواقع فقد ظلم نفسه وقال ما لا يجوز له أن يقوله. Troisième chose qu'on peut dire sur eux, ils prétendent que les savants de ce pays, yani de l'Arabie Saoudite, ne comprennent pas la réalité. On leur répond que les muftis, ceux qui donnent des fatwas, et les juges, ne donnent pas leur jugement sur une seule fatwa sans qu'ils ne connaissent la réalité de la situation qui englobe toutes les causes et les motifs pour le jugement. Et celui qui prétend que ces savants et ces juges ne comprennent pas la réalité a certes opprimé sa propre personne et il a dit ce qui est interdit de dire. Et Cheikh Rabi', on a terminé avec la parole de Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala. Cheikh Rabi', hafidhahullah ta'ala, a dit dans ses annotations sur la parole de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, concernant Sururiya, comme quoi ils étaient les khawarij de cette époque, Cheikh Rabi', il a fait comme annotation de cette parole de Cheikh Al-Albani, yanbari أن يتنبه القاري والسامع لقول الشيخ عن هذه الفئة بأنهم خالفوا السلف في كثير من مناهجهم فهذه المناهج الكثيرة التي خالفوا فيها السلف تدل على انحراف كبير قد تكون أخطر وأشد من مخالفة الخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة وبأنهم كلاب النار وبأنهم يمنقون من الدين مروق السهم من الرمية وبأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Donc il nous dit Cheikh Rabi', en annotation de la parole de Cheikh Al-Albani, il incombe que le lecteur et l'auditeur prêtent attention à la parole de Cheikh, yani Cheikh Al-Albani, contre ce groupe. Et le fait qu'ils contredisent les salafs dans beaucoup de leurs méthodologies. Ces nombreuses méthodologies avec lesquelles ils ont contredit les salafs indiquent qu'ils sont dans un grand égarement. Il se peut que cela soit plus dangereux et grave que les contradictions des khawarij, pour lesquelles le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme étant les pires de la création, comme étant les chiens de l'enfer, qu'ils sortent de l'islam comme la flèche sort de sa cible et qu'il tue les gens de l'islam et laisse les adeptes des idoles. وَمَا قَالَهُ الشِّيخ الْأَلْبَانِي رَحِمَهُ اللَّهُ حَقٌّ فَلَقَدْ خَالَفُ السَّلَفُ فِي أُصُولٍ كَثِيرَةٍ وَخَطِيرَةٍ مِنْهَا حَرْبُهُمْ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَتَنْفِيرُ النَّاسِ مِنْهُمْ مِنْ كُتُبِهِمْ وَأَشْرِطَتِهِمْ وَبُغْضُهُمْ لَهُمْ وَمُعَادَاتُهُمْ وَحِقْدُهُمْ الشَّدِيدُ عَلَيْهِمْ. Et Cheikh Rabi' nous dit, ce qu'a dit Cheikh Al-Albani est la vérité. Ils ont certes contredit les salafs dans beaucoup de fondements et de manière dangereuse. Parmi leurs égarements, leur guerre contre les adeptes de la sunna et le fait d'effrayer les gens contre eux, contre leurs livres et leurs cassettes, ainsi que leur aversion, leur animosité et leur grande haine qu'ils ressentent pour les adeptes de la sunna. ومنها موالاتهم لأهل البدع الكثيرة الكبيرة وإقرارهم لمناهجهم الفاسدة وكتبهم المليئة بالضلال ونشرهم لها وذبهم عنها ودفع الشباب للعب والنهل منها مما كان له أسوأ الآثار على الأمة وشبابها من تكفير والتدمير وحروب مستمرة وسفك الدماء وانتهاك أعراض. Et parmi leurs égarements, nous dit le Cheikh Cheikh Rabi', il y a leurs grands et nombreux soutiens qu'ils ont pour les adeptes des innovations, ainsi que l'attestation de leur méthodologie corrompue et de leurs livres remplis d'égarements. Ils ont propagé et défendu ces livres ils ont poussé les jeunes à s'abreuver de ces livres. Et parmi les pires conséquences de cela sur la communauté et sur ces jeunes, la profusion du takfir, le fait de rendre mécréants les musulmans, la destruction, les guerres continuelles, l'écoulement du sang et la profanation de l'honneur des gens. Regardez mes frères, regardez le résultat de leur méthodologie, de leur da'wa, de leur égarement, wallahu al-musta'an. Wa minha an ahwa'ahum qad dafa'athum ila wad'i al-manahij al-fasida lidhabbi 'an al-bid'ah wa ahliha mithl minhaj al-muwazanat bayna al-hasanat was-sayyi'at wa ma yad'amuhu min al-qawa'id al-fasida allati tu'addi ila mu'arada ma qarrarahu kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alayhi wa sallam wa ila hadam sunnah وعلومها لا سيما علم الجهل والتعديل الذي امتلأت به المكتبات بالإضافة إلى مساوئ أخرى وضلالات نسأل الله أن ينقذ الشباب من شرور هذه الفئة وويلاتها وعواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة آمين. Et parmi leur égarement, nous dit Cheikh Rabi', le fait que leur passion les a poussés à élaborer des méthodologies corrompues afin de soutenir les innovations et leurs adeptes, telles que la méthodologie d'Al-Muwazanat entre les bonnes actions et les mauvaises. Hein, cette méthodologie est connue. C'est si tu réfutes un innovateur pour son innovation afin de prévenir les gens contre lui, alors selon eux, tu es obligé de mentionner ses bonnes œuvres, ses bonnes actions, afin que tu ne lui fasses pas preuve d'injustice envers lui. Ainsi que ce qu'ils ont affirmé comme règle corrompue, qui amène à ce qui est contraire au livre d'Allah et à la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui amène à la destruction de la sunna et de ses sciences, plus particulièrement la science de la critique et de l'éloge, qui remplit les bibliothèques. Et on peut encore rajouter cela à d'autres désobéissances et égarements de cette secte égarée. Et le Shir nous dit, nous demandons à Allah de préserver les jeunes de leurs maux, M-A-U-X, de leur fléau et de leur effet néfaste dans la dunya et al-akhira. Amin. Ainsi sont As-Sururiya. Et bien sûr, les paroles des ulema sur As-Sururiya sont très très nombreuses. Et donc je vous invite à revenir vers elles. Hein, malheureusement, le temps ne nous permet pas de développer plus que ça. Il nous reste à voir, mes frères, une dernière secte, Al-Haddadiyya. Hein. Et c'est très important de comprendre ces terminologies, mes frères. Hein. On entend des fois, oh, un tel al-Haddadi, un tel al-Sururi, un tel al-Qutbi. On doit savoir qu'est-ce que ça veut dire quand l'ulema mentionne ces paroles. Hein. Donc, Cheikh Rabi', rahimahullah ta'ala, a réfuté en détail et avec science cette secte al-Haddadiyya. Et il dit à leur sujet dans une de ses réfutations, al-Haddadiyya. جماعة غلوا في الحداد ورفعوه وهو رجل جاهل متخبط ظالم. Il nous dit, Cheikh Rabi', حفظه الله تعالى, الحدادية est un groupe qui ont exagéré concernant الحداد. Hein, الحداد, on va le voir, cet homme qui s'appelle Mahmoud الحداد, qui est un Égyptien né en 1374, hein, en 1955. Et on va voir un peu de son histoire après, Inch'Allah. Ils ont exagéré concernant Al-Haddad et dans son élévation, alors qu'il est un homme ignorant, agité et injuste. Al-Allama Muhammad Aman Al-Jami, rahimahullahu ta'ala, a mentionné dans son explication Al-Risala Al-Tadmouriya concernant Al-Haddad. محمود الحداد كما قيل كان من جماعة التكفير ثم استطاع أن يصل إلى هذا البلد ليرفع راية التوحيد وراية السنة ويحارب الإسلام من الداخل متسترا بهذه الراية المزعومة أو كان جاهلا فأراد أن يبين موقف مرتكب الكبيرة الفاسق الملي فلم يستطع لجهله بيان ذلك الاستدلال. Il nous dit, Cheikh Mohamed Aman al-Jami, rahimahullah ta'ala, Mahmoud al-Haddad, comme il a dit, faisait partie du groupe du takfir, hein, le fait de rendre mécréants les musulmans. Puis il réussit à entrer dans ce pays, yani l'Arabie Saoudite, afin d'élever l'étendard du tawhid et de la sunna. Mais en fait, il combattit l'islam de l'intérieur, secrètement, avec ce prétendu étendard. Ou alors, nous dit le Shir, il est un ignorant qui a voulu clarifier que la position de celui qui fait un grand péché, yani le dévoyer, mais il ne peut le faire dû à son ignorance dans la clarification de sa déduction. فَهُوَ لَا يَخْرُوجْ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا كَمَا قِيلْ كَانَ مَعَ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ وَتَعَمَّدَ هَذَا الْعَمَلِ لِيُحَارِبَ الْعَقِيدَةِ وَالسُنَّةِ مِنَ الدَّاخِرِ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَايَةَ السُنَّةِ وَرَايَةَ الْعَقِيدَةِ وَهَذَا الْإِحْتِمَالِ قَوِيٌّ كَمَا بَلَغَتْنَا أَخْبَارٌ مِنَ الثِّقَاتِ إِنَّهُ كَانَ مِنْ جَمَاعَةِ التَّكْفِيرِ. Ainsi, cet homme ne sort pas de ces deux possibilités. Soit il est comme cela est dit avec le groupe des takfirs, et il a voulu par ses agissements combattre la croyance et la sunna de l'intérieur, après avoir levé le soi-disant étendard de la sunna et de la croyance. Et cette possibilité, nous dit le Shir, est très probable, comme cela nous a été rapporté par des informations de personnes de confiance, et comme quoi il faisait partie du groupe de takfir. Ou l'ihtimal thani, annahu laysa min jama'ati takfir, walakinahu jahilun, دخل فيما لا يقدر أن يكتب فيه فتورط في عقيدة المعتزلة من حيث لا يشعر يا هذا أو ذاك لا يخرج من هذين الاحتمالين. Et la deuxième possibilité, nous dit Cheikh Mohamed Aman al-Jami, c'est qu'il ne fasse pas partie de ce groupe de takfir, mais qu'il est un ignorant qui est rentré dans ce qu'il ne peut pas écrire. Il s'est donc empêtré dans la croyance des Mu'tazila, du fait qu'il ne ressent ni cela, ni cela, ni ceci, ni cela. Et il ne sort pas d'une de ces deux possibilités. Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, mentionne concernant al-Haddadiyya, ilman bi anna al-Haddadiyya zahiru qawlihim at-takfiru bi bid'ati wahidatin. Liannahum yaquloun man indahu bid'atun wahida min al-ulema wujiba alayna alla natarahham alayhi. وألا نقرأ في كتبه بل إن من عنده بدعة يجب أن تحلق كتبه وقد أحلقوا كتاب فتح الباري باعترافهم. Il nous dit, Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, sachant que la parole apparente des Haddadiyya est le fait de rendre mécréant pour une seule innovation. Ils disent que celui qui a une seule innovation parmi les savants, il nous incombe de ne pas invoquer la miséricorde pour lui. On ne dit pas Rahimahullah. Et de ne pas lire dans ses livres. Mais plutôt celui qui a une innovation, il est obligatoire de brûler ses livres. Et ils ont certes brûlé Fathul Bari, hein, d'Ibn Hajar. Hein, Ibn Hajar, ce savant, ce grand savant qui est mort en 852, qui avait certaines erreurs dans la croyance. Hein, et donc ils l'ont rendu... innovateur, ils l'ont rendu innovateur, et ils ont dit qu'il était interdit de demander, de dire Rahimahullah, et ils ont même dit qu'il était interdit de lire dans son livre, ou dans ses livres, et ils ont même été à brûler ses livres. Et ils ont fait de même avec Al-Nawawi. Ils ont fait de même avec Al-Hafid Al-Nawawi. Subhanallah. Et ceci selon leur propre aveu. Et donc nous allons terminer ce résumé avec certains signes de la Haddadiyya qui a été mentionné par notre shir, bien-aimé, Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullahu ta'ala. Il nous dit, min alamati al-haddadiyya, awalan, bugduhum lil-ulama al-minhaj al-salafi, al-mu'asirin, wa tahqiruhum, wa tajhiluhum, wa tadliluhum, wa liftira'u alayhim, wa la siyama ahlul madina, thumma tajawazu thalika ila ibn Taymiyyah, wa ibn al-Qayyim, wa ibn Abi al-Izz, شارح التحاوية يدندنون حولهم لإسقاط منزلتهم ورد أقوالهم. Donc premier signe que nous mentionne le Shir, c'est leur haine. Leur haine envers les savants contemporains qui suivent le minhaj salafi et les rabaissent. Ils les font passer pour des ignorants, des égarés, et ils profèrent des mensonges à leur encontre, notamment à l'encontre des gens de science de la ville de Médine. Puis ils ont été plus loin que cela, et ils s'en ont pris à Ibn Taymiyyah, à Ibn Qayyim, son élève, Ibn Taymiyyah qui est mort en 727, Ibn Qayyim qui est mort en 751, rahimahumullah, également s'en ont pris à Ibn Abil Izz, al-Hanafi, qui est celui qui a, ou qui est le célèbre auteur de l'explication du livre Sharh al-Tahawiyyah, et ils passent leur temps à parler d'eux dans le but d'amoindrir leur rang, yani de rabaisser leur rang et de rejeter leurs paroles. ثانيا قولهم بالتبديع كل من وقع في بدعة وابن هاجر عندهم أشد وأخطر من سيد قطب. Deuxièmement, parmi les signes d'El Haddadiyya, regardez mes frères, retenez bien ces signes, si vous voyez ces signes chez quelqu'un, faites attention, prenez garde, leur parole qui consiste à juger innovateur toute personne qui commet une innovation. Pour eux, Ibn Hajar est pire et plus dangereux que Sayyid Qutb, Allah al-Musta'an. Thalithan tabdi'u man la yubaddi' man waqa'a fi bid'ah wa adawatuhu wa harbuhu wa la yakfi 'indahum an taqul 'inda fulan ash'ariyah mathalan aw ash'ari bal la bud an taqul mubtadi' wa illa fal harb wal hijran wat tabdi'. Troisième de ces signes, ils rendent innovateur celui qui ne rend pas innovateur celui qui commet une innovation. Donc nous, ils nous rendent innovateurs. Ils les prennent pour ennemis. Ils lui font la guerre. Et ça ne leur suffit pas que tu dises « Oh, un tel, il est Ash'ari ». Non, ça ne suffit pas. Tu dois absolument dire « C'est un innovateur, c'est un mubtadi' ». Car sinon, tu as droit à l'affrontement. Tu as droit au boycott. Et on te traite d'innovateur. رابعاً تحريم ترحم على أهل البدع بإطلاق لا فرق بين الرافض وقدره وجهمه وبين عالم وقع في بدعة. L'interdiction, quatrième signe, c'est l'interdiction selon eux de demander la miséricorde, de dire rahimahullah aux gens d'innovation. Et il n'y a pas de distinction entre le rafidi, le shi'i, celui qui est al-qadari, celui qui est la soie al-qadariya, ou al-jahmi, celui qui soit la voie des jahmiya, et toutes ces sectes égarées d'islam, et entre un savant qui commet une innovation. Pour eux, c'est pareil. Un shi'i, quelqu'un qui est shi'a, quelqu'un qui est jahmi, etc., il est au même rang, ou le savant qui tombe dans une innovation est au même rang que cela, subhanallah. Khamisan tabdi'u man yatarahham ala mithli Abi Hanifa wa Shawkani wa Ibn al-Jawzi wa Ibn Hajar wa al-Nawawi, subhanallah. Cinquièmement, ils rendent innovateur tout individu qui demande la miséricorde pour Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa, si tu dis rahimahullah, t'es un innovateur. Également Ash-Shawkani, qui est un grand savant de l'islam, qui écrit beaucoup de livres. Ibn al-Jawzi également. Ibn Hajar. Al-Nawawi, si tu dis rahimahullah, t'es un innovateur. Subhanallah. Regardez la dangerosité de ces gens, mes frères. Sadisan al-adawat al-shadida lis-salafiyyin mahma badalu min al-juhud fi ad-da'wa ila as-salafiyyah wa dhabu anha wa mahma ijtahadu fi muqawamat al-bid'a wal-hizbiyyat wad-dalalat wa tarkizuhum ala ahli al-madinah thumma ala ash-shaykh al-albani rahimahullah li'annahu min kibar ulama'i al-manhaj as-salafi ay annahu min ashad أشدهم في قمع الحزبيين وأهل البدع وأهل التعصب ولقد كذب أحدهم ابن عثيمين في مجلسي أكثر من 10 مرات فغضبت عليه أشد الغضب وطردته من مجلسي وقد ألفوا كتبا في ذلك ونشروا أشرطة وبثوا الدعايات ضدهم وملأوا كتبهم وملأوا كتبهم وأشرطتهم ودعاياتهم بالأكاذيب والافتراءات. Il nous dit, Shir, sixièmement, l'agressivité extrême qu'il montre à l'égard des salafis. quels que soient les efforts de ces salafis dans la propagation de la da'wah salafia et dans la défense de cette da'wah, peu importe qu'ils fournissent ou non des efforts dans la lutte contre les innovations, contre le sectarisme ou contre les égarements. Et ils concentrent, hein, c'est Haddadi, ils concentrent leurs efforts ou leurs attaques contre les gens de science de Médine et aussi contre Shir al-Albani, rahimahullah ta'ala. Parce que Shir al-Albani fait partie des grands savants du minhaj salafi, nous dit Shir al-Rabi'. Il fait partie de ceux qui sont le plus à même de réfuter ces gens sectaires et les gens d'innovation. Et un jour, nous dit le Shir Rabi', un jour en ma présence, un de ces gens-là, un des Haddadi, a traité Shir al-Uthaymin de menteur plus d'une dizaine de fois, durant une seule assise. Alors je me suis mis en colère, d'une colère terrible, et je l'ai chassé de mon assise. Après cela, ils ont rédigé un écrit à ce propos, et ils ont également propagé un audio. Ils ont aussi répandu des rumeurs à leur encontre pour remplir leurs livres et leurs enregistrements de propagande, de mensonges et de calomnies, subhanallah. Sabi'an, quluhuhum fil haddad, waddi'ahu tafawwuqihi fil ilm, liyatawassalu bidhalika ila isqati kibali ahli al-ilm, والمنهج السلفي وإسال شيخهم إلى مرتبة الإمامة بغير منازع كما يفعل أمثال من أتباع من أصيبوا بجنون العظمة وقالوا على فلان وفلان مما حاز مرتبة عالية في العلم عليهم أن يجثوا على ركبهم بين يدي أبي عبد الله الحداد وأم Abdillah. Septièmement, nous dit le Shir, l'exagération qu'ils ont à l'égard d'Al-Haddad et le fait qu'ils prétendent sa supériorité dans la science. Prétention derrière laquelle ils cherchent à rabaisser les grands hommes de science et le menhaj salafi. De la même manière qu'ils cherchent derrière cela à élever leur Shir, hein, Al-Haddad, au rang d'imam, sans qu'il y ait de contestation, comme le font leurs semblables, ces personnes qui sont atteintes de paranoïa et qui disent « un tel et un tel, parmi ceux qui ont un rang élevé dans la science, ils devraient aller s'asseoir devant Abu Abdillah, yani Al-Haddad, et Umm Abdillah, yani sa femme, pour prendre leur science, subhanallah. » Tasi'an, imtazu bil-la'n, wal-jufa, wal-irhab, لدرجة أن كانوا يهددون السلفيين بالضرب بل امتدت أيديهم إلى الضرب بعد السلفيين. Neuvièmement, ils ont comme signe distinctif le fait de maudire, l'absence de douceur et la violence au point de menacer et de frapper les salafis. Et c'est ce qu'ils ont fait avec certains d'entre eux. Et subhanallah mes frères, On entend ici ou là, hein, ce genre de comportement, ou peut-être même qu'on témoigne directement de ce genre de comportement, hein, subhanallah. Onzièmement, nous dit le Shir, al-kibr wal-inad al-mu'addiyan ila radd al-haq kasa'il ghulat ahli al-bid'ah, fa kullu ma qaddamahu ahli al-madinah min bayan inhirafat al-haddad an manhaj al-salaf wa rafaduh فكانوا بأعمالهم هذه من أسوأ الفرق الإسلامية وشرهم أخلاقا وتحزبا. Onzièmement, l'orgueil et l'obstination. Naam, onzièmement, vous allez me dire, je ne suis pas arrivé à 11 parce que j'ai sauté certains signes, mes frères, par mesure, afin de pouvoir terminer à temps, inshallah ta'ala. Certains de ces signes, je ne les ai pas traduits. Et je vous invite à retourner aux signes, à tous les signes qu'a mentionné Shir, hein, plus d'une douzaine de signes, mais malheureusement le temps ne nous permet pas de tout traduire. Donc j'en ai choisi quelques-uns, comme ça, pour que vous compreniez quels sont les signes de Al-Haddadiyya. Donc il nous dit onzièmement l'orgueil et l'obstination dont ils font preuve, et qui conduisent à rejeter la vérité, comme c'est le cas pour la plupart des gens, ou des têtes des gens d'innovation, avec tout ce qu'ils ont apporté, les gens de science de la ville de Médine comme éclaircissement faisant état des déviations de l'Haddad par rapport à la méthodologie salafi et ce qu'ils ont rejeté, ils représentent par ces agissements-là l'une des pires sectes que compte l'islam et celle qui renferme le pire des comportements et le pire groupe sectaire qu'il soit. Et le chien nous dit « وَمَا بِهِمْ حُبُّ الْحَقِّ وَطَلَبَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ الْفِتْنَةِ وَتَمْزِيقَ السَّلَفِيِّينَ » Et ce n'est ni l'amour, ni la quête de la vérité qui les motive, mais ce qu'ils veulent en réalité, c'est la fitna. Et c'est diviser les salafis, subhanallah. Eux sont al-haddadiyya, mes frères. Et vous comprenez maintenant, hein, la parole de notre cheikh Rabi' lorsqu'il dit à propos des troubles qui est apparu récemment dans les rangs des salafis, akhassu min al-haddadiyya. Vous comprenez maintenant la valeur et la portée de cette parole de notre cheikh bien-aimé, cheikh Rabi', hafidhahullahu ta'ala. Et avec ça, mes frères, nous terminons cette brève présentation concernant ces trois groupes, Al-Qutbiyya, Al-Sururiyya, Al-Haddadiyya. Et j'espère que vous pourrez maintenant comprendre qui sont ces gens et ainsi vous préserver de leur mal, vous préserver de leur piège. Et vous préserver de leur égarement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver tous, ainsi que les jeunes de cette communauté et les jeunes salafis du danger de ces sectes égarées. Et pour terminer, j'aimerais remercier nos frères du Merkez al-Furqan de nous avoir donné la possibilité de se rencontrer hier et aujourd'hui. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder les plus belles récompenses et de leur donner le firdaus al-a'la. أمين فجزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته